nuit de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Les bas-fonds de Paris, ils vivent leurs dernières minutes, du moins dans le feuilleton, diffusé au début des années 80 sur France Culture, adapté du roman d'Aristide Bruand. Tout cela finira-t-il bien ? En chanson, en tout cas. Un roman, mais aussi un gigantesque reportage, selon l'auteur lui-même. À la vie sous sa toque de martre, sur la butte Montmartre, un petit air innocent. On l'appelait Rose, elle était belle, elle sentait bon la fleur nouvelle. Rue Saint-Vincent. Les bas-fonds de Paris, par Jean-Jacques Stine. D'après le roman d'Aristide Bruand. Aujourd'hui, 24e épisode. Avec Jean-Roger Caussimon dans le rôle de Bruand. Et Manuel Dexet, Francine Bouffard, Pierre Constant, Rosine Favet, Martine Régnier, Roger Mollien, Nicole Vassel, Monique Thierry, René Renaud. Réalisation Claude Roland-Manuel. Ça peut vous faire où que nous allons. Ça vous regarde pas, que je suppose. D'abord, j'allons où que nous voulons, où que vous voulez, c'est la même chose. Vous êtes de ceux qui ont des états. Ben, qu'est-ce que vous voulez que ça nous foute? Des états, j'en connaissons pas. Nous, notre métier, c'est de marcher sur la route. Comme si qu'on aurait besoin de nous pour fouiller la panse à la terre et pour y repiquer du plant de chou. Nous, on n'est pas propriétaires. J'ai pas besoin de nous faire du sang. Et j'ai mon mieux ronger une croûte que de travailler pour du pain blanc. Nous, notre métier, c'est de marcher sur la route. On n'est pas jaloux des vignerons, c'est des gars qui ont vraiment trop de peine. Les malheureux. Nous, je préférons boire de la flotte toute notre semaine, parguer. Je l'ai mon aussi, le bon vin, mais j'en boirions jamais une goutte s'il fallait faire pousser le raisin. Nous, notre métier, c'est de marcher sur la route. À quoi que ça sert de travailler? À rien, qu'à s'esquinter les tripes. Tous les matins, faut se réveiller, faut partir avec des équipes, et puis il faut crever sur le boulot pour un patron qui vous dégoûte. Malheur. Ils n'auront pas notre peau. Nous, notre métier, c'est de marcher sur la route. Voilà donc Rosémée, Frisette et Tommy partis sur les routes, flanqués de Pili, je suppose. Eh oui, car la pauvre bête ne les quitta plus. J'ai eu une petite Pili. La leur trottinait à côté de Rosémée, dans la pourpre et l'or fauve du crépuscule. L'enfant et la petite chienne s'étaient adoptés mutuellement. Ils rejoignirent d'abord les gueux de la tour de Montlhéry. Jean et Patrice, eux, venaient de rentrer. Comme Rosémée et Tommy ne parurent pas au dîner et demeuraient introuvables, il fallut bien conclure à leur départ. D'autant que le baluchon de Frisette et le coffret que je lui avais offert ne sont plus dans sa chambre. Bon vent, la paille au cul et le feu dedans. Rosémée ! C'est vrai, ça. Peut-être que vous ferez plus attention à moi. Contrarié comme s'il s'agissait de sa propre fille, Adrienne dut s'aliter. Jean envoya explorer les alentours, puis se retira dans son cabinet de travail en recommandant qu'on le tînt au courant des recherches. Je ne parviens pas à trouver le sommeil. Car je suis bien obligé de m'avouer que j'eusse préféré. Je ne peux pas dire cela, je n'ai pas le droit. Rosemée est ma fille. Oui, mais est-ce bien Rosemée? Je n'ai pas encore la moindre preuve. Des témoins, certes. Et s'il s'agissait d'un complot manigancé par Ragdal? Demain, ce monsieur s'apercevra qu'un homme averti en vaut deux. Je me sens fiévreux. La fraîcheur de la nuit me calmera peut-être. Oh. Quel repos. Cette campagne silencieuse et calme dans la grande paix nocturne, moirée par les rayons de la lune. Où est-elle, Frisette? Et ce grand fou de Tommy? Une forme noire remue à l'autre aile. On dirait que quelqu'un monte. Mais oui, je ne me trompe pas. On grimpe le long de la muraille. Et voilà qui est un peu fort. Comment peut-on faire cette escalade sans échelle? Cette forme grimpe vers la chambre de l'enfant. Il faut que j'aille voir ça de plus près. Mon revolver. Sucre d'Orge occupait seule une grande chambre, luxueusement meublée, ornée de tentures épaisses et flanquée d'un cabinet de toilette et d'une garde-robe. Jean Romain trouva la porte du petit salon ouverte. Des tapis moelleux étouffaient ses pas. Cependant, il s'arrêta à l'entrée de la chambre dont une double tenture le séparait. Et dire qu'il va falloir que tu laisses tout ça, hein? Masse de dégringolage à ruminer. Pas question, puisque je suis l'héritière. Quelques jours au plus, je te dis. Le temps que le Richard crache son trop plein de pognon. Le dab, il dit comme ça qu'il faut pas trop tirer sur la corde si on veut pas qu'elle casse. Ah, ma Gosseline, j'ai pas pu attendre, moi. J'avais trop envie de te voir. Le luxe, ça vaut rien sans mon petit roquet d'amour. Fais-moi encore un petit béco, là. T'en as des belles frisettes. Tiens, c'est drôle. La môme qui est ici, la frisette. Quoi? Elle dit qu'elle te connaît. Et ta daronne. Vous lui tapiez dessus? Ficelle, tu veux dire? Oui. Bah tu parles. On a été élevés ensemble. C'est à elle que j'avais piqué le journet qui m'a permis de t'embarquer. Elle est ici? Un peu. Même qu'il voit que par elle. Mais il faut prévenir le dab à toute pompe. Un truc à faire calancher l'affaire. Mais y a pas le feu. Et puis elle s'est tirée. Ah bah j'ai pas le choix. Le chemin de fer sur route d'Arpajon à Paname, il s'arrête à Balinvilliers que demain matin. Chouettos, mon petit canard vert, on va se pioter? Ah, je marche, ma crotte. Ah, ah! Eh ben, qu'est-ce que c'est que ce zig avec son soufflant? Elle gonce, pour déménager la combuse, on a priorité. Je ne le croyais pas. On me le disait, mais je me refusais à croire qu'il puisse exister pareil canaille de votre âge. Quoi? Ce n'est pas votre faute. J'ai pitié de votre faiblesse. Je ne vous ferai pas de mal. Et même votre ignominie ne m'inspire qu'une commisération immense. Mais ce n'est point une raison pour être dupe. On a essayé de spéculer sur les tendresses de mon cœur de père. Naturellement, vous n'êtes pas Rosemée. Répondez. Non, monsieur. Je m'appelle Sucre d'Orge. Au moins un nom de votre âge. Et vous, qui êtes-vous? Mon petit homme. Décidément, j'aurais tout entendu. Votre nom! J'en ai mon fave de vos grands airs! Vous avez beau être plus fort et plus vieux que moi, vous me figez pas les grelots! On verra votre blaire devant Ragdal, mon dab! De mieux en mieux. Tel père, tel fils. Mais on va pouvoir s'entendre, nous deux. Quoi? Des journées? Oh, j'en ai jamais vu autant d'un coup! Je vous donne 10 fois cette pile. Oh, c'est pas vrai! 13. Il y en a 13. 10 fois 13, 130. Ça fait combien? J'ai jamais compté jusque-là, moi. Moi, j'étais à l'école, Roquet. Ça fait de quoi l'écouter. Ah, tu parles. Je veillerai personnellement à votre éducation à tous les deux. Et vous saurez ce que représente une fortune honnête. Vous vous mettez à table, comme vous diriez si bien. Ensuite, vous passez la nuit ici, tous les deux, mais séparément. Hein? Demain, je vous reconduis à Ragdal. Oh, vous êtes vache! Ça va être drôlement notre fête! Je crois que ce sera plutôt la sienne. Allez, je vous écoute. Et n'omettez rien. La vérité finit toujours par sortir du puits. Quel puits? Blonde môme, aux chasses rêveurs, fleurette, allait par la grande ville, déjà guignée par les suiveurs qui casquent en billets de mille. Car à ces anciens greluchons, à ces pestailles de la licence, il faut des relents d'innocence. Et c'est nous qu'ils appellent cochons. Or, un jour, la mère Maca, qui rabattait pour ses antiques, l'aperçut et la reluqua. Car il fallait à ses pratiques des momignardes sans nichons, des fillettes aux formes grêles, des mignonnes pâles et frêles pour les amuser. Vieux cochon. Eh bien, c'est tous ces birbes-là qui gueule et qui crie au scandale, parce que nos gers a fondu plat au pantrio de la capitale. Mais nom de Dieu, si nous marchons de rif avec nos gigolettes, nous déflorons pas les fleurettes. Et c'est pas nous qui les cochons. Ne t'éloigne pas. Il cherche à manger. Ah, oh, c'est vrai. Oh, j'ai faim. Ah. Ta misette est vide? Ben oui. Pili a eu le dernier morceau de mortadelle. Tu as tout donné à tes copains? Tu aurais pu en garder un peu pour nous. La prochaine fois, je ferai moi-même la distribution. Mais je n'y ai pas pensé, Frisette. Oh, voilà un village là, pas loin. On pourrait y récolter quelques sous. Ah oui? Des bicyclistes! Ah, ils chantent la chanson de Bruin. Hein? Mm-hmm. Tu crois que ça coûte cher un cycle? Hein? On saurait rouler dessus? Hein? C'est peut-être moins fatigant que la marche. Ouais, je peux te porter si tu es fatigué, hein. Non, ça va. Où est-ce qu'on va? On était tout de même bien chez maman Adrienne. J'avais une vraie chambre avec un vrai lit bien doux. Veux-tu qu'on revienne? Non. Ah. Je suis devenue une étrangère. Oh. Puis maintenant, maman Adrienne, elle a sa fille. Bien sûr, elle était méchante. Mais c'est parce qu'elle était jalouse. Elle voulait pas que maman Adrienne m'aime. Bon. Puis, cette pauvre petite fille, elle a tellement souffert. Eh bien, Frisette, et toi? Oh, et oui. Elle, elle a eu de la chance de retrouver sa maman. Hein? Mm-hmm. Bah. Oh, mais moi, j'en ai pas. Alors, je peux pas la retrouver. Oh, quel bonheur si ça avait été maman Adrienne. Ah oui. Oui, mais je t'ai, hein, mon fidèle, mon bon tonton Tommy. Plus jamais on se quittera. D'accord. À deux, on sera moins malheureux. On se séparera jamais. Hein, promis? Oui. Petite maîtresse, promis. Tu seras ma petite patronne, Frisette. C'est toi qui commanderas. Hein? Très bien. Bon. Et puis d'abord, où est-ce qu'on va? À Paris. J'y ai des relations, oui. J'ai toujours entendu dire que dans les grandes villes, on se cache mieux. Ah oui, mais pourvu qu'on rencontre pas reculons. Oh, penses-tu? On ira de l'autre côté. Et puis, je suis là pour te protéger. Brisette, ça doit être le centre du village. Il faudrait un endroit où on ne gênera personne. Là, sur la petite place, sur les marches, hein? D'accord. D'accord. Jean de ville et de faubourg, Jean de ville et de faubourg. Vas-y. Jean de boutique et de cour, Jean de boutique et de cour. Jean sans reprocher, sans peur, sans écouter chanter en cœur le refrain de mes griots. Miaou. Miaou. Miaou. Nous foutons des riches, nous leur faisons des niches, et nous chantons le soir. Non mais c'est une honte. Cette petite fille qui mendie. Mais y'a pas de quoi rire, c'est une honte. Bah, la mendicité est interdite sur le territoire de la commune, hein. On ne mendie pas, monsieur. Et on chante. Qui est ce Morico là avec toi? Oh, c'est pas un Morico, c'est mon tonton Tommy. Le frangin au cirage de mon papa Garin. Ah bon, il est maquillé pour faire rire. Mais où il est ton papa Garin? Il est mort. On me l'a tué sur la route. Oh, c'est malheureux. C'est trop malheureux, mais c'est quoi? Allez, venez, on vous donnera à manger. Allez, venez. Allez avec nous. Tous les pauvres bougres, quand ils entendaient Tommy jouer sur son banjo, se sentait pris du frisson que la petite chiffonnière éprouvait. Au clair de lune, les gueux semblaient sortir de dessous terre. Parlait à l'âme populaire, une âme comme la sienne, enfantine et droite. Ils allaient ainsi à l'aventure. Tommy chantait indistinctement les mélodies nègres et les chansons françaises apprises avec Chabanais ou Garin. Parmi celles-ci, Rose-Aimée commençait à en connaître quelques-unes et, comme on le sait, chantait en duo. Aimé et Tommy firent leur entrée dans Paris par la porte d'Orléans, ayant depuis 2 jours soigneusement évité le moindre bicorne de gendarme aperçu au loin et sans savoir qu'ils frôlaient Malakoff et Vanves, ce qui aurait avivé les affres de la fillette. Les gabelous louchèrent bien un peu sur ce couple étrange, flanqué d'un squelette ambulant qui ressemblait à un chien au poil incolore. Mais ce trio insolite, oublié par les règlements, ne pouvait être soumis au droit d'octroi. Ils se mirent aussitôt à chanter dans les cours et récoltèrent quelques monnaies. On ne savait qui attendrissait le plus, les badauds, de Frisette ou de Pili. J'étais si fatiguée auprès d'une fontaine, je m'y suis reposée. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. L'eau y était si claire. l'époque des règlements de compte arrivait. Et déjà, rue Campagne Première, Nini Casque d'Or et le comte Roger de Charmeuse s'expliquaient. À partir d'aujourd'hui, entre nous, tout est fini. Quoi ? C'est pourtant clair. À partir d'aujourd'hui, tout est fini. Je réintègre le domicile conjugal. Tu réintègres quoi ? Je vais m'installer à Bannavilliers. À ma vraie place. Je reprends mon rang. Oh, Noé, laisse-moi m'asseoir. Je te connaissais pas ce regard. Mais sinon, je t'aurais jamais aimé. J'ai aimé un homme tendre qui avait besoin de moi. J'ai jamais eu besoin de personne, Dudgour. J'ai été chassé de ma caste par un roturier qui se croit tout permis avec son argent. L'argent donne la puissance, mais la puissance de l'argent n'obtiendra jamais cette chose essentielle, appartenir à ma classe. Est-ce seulement à la portée de votre entendement ? Il est fou. Il est fou. Tiens, on se tutoie plus. Les millions vous tournent la tête, mon ami. Ah, décidément, il vous est impossible de surmonter votre condition subalterne. Mais tu t'en es pas toujours pleine, ta subalterne. Et pour vous prouver, ma gratitude serait un bien grand mot, disons, ma correction. Je vous laisse l'appartement, avec les meubles. 6 mois de loyer sont réglés. J'y joindrai un petit pécule afin de vous aider à reprendre votre état de blanchisseuse. Et même à vous établir comme patronne d'un petit fonds de commerce. Ah, mais ça me fait une belle jambe. Mais tu te fous de moi ou quoi ? Mais t'étais bien content de la toucher, la prime de mon premier bordel. Et maintenant que le pognon afflue, tu me laisses choir ? Y a mal donne ! Ça se passera pas comme ça ! Vous ne voyez tout de même pas le comte de Charmeuse réintégrer le monde dont il n'aurait jamais dû sortir avec une pierreuse au bras ! Mais tu prends sérieux, ma parole ? Tu oublies de te regarder dans la glace en te rasant le matin ? Je t'ai vu marcher, le front penché, et n'osant regarder personne en face. T'as commencé à la relever, la tête, grâce à moi. Et t'as pu redevenir quelqu'un grâce à moi et à mon argent. Et aujourd'hui, tu brandis ton arrogance grâce à moi ! Grâce aux 2 millions qu'on me devait, ne confondez pas. La fortune suivra. À partir d'un certain chiffre, l'honneur ne se chipote plus. Oh. Oh, c'est bien de toi. Pauvre aveugle. Même en y mettant le prix, ce sera toujours un honneur au rabais. Qui osera me le dire en face ? Adrienne et Jean-Robin paieront. Ils ne paieront jamais assez. Tu peux pas lui foutre la paix à ta légitime. Après ce qu'elle m'a fait, jamais. Et son père et toi, qu'est-ce que vous vous êtes acharnés ? Elle portait le ballon, la belle affaire. Vous êtes bien contents, les hommes, d'en trouver des nanas qui se font cloquer. Et vous avez le culot de leur cracher dessus ? Et à propos, et Rose Aimée ? Crois-tu que ton Adrienne te pardonnera, Rose Aimée ? Rose Aimée est morte quelques jours après sa naissance. On ne pleure pas toute la vie en nourrissant. Voilà une histoire à dormir debout. Tu n'en as rien dit à Ragdal. Vous aviez l'air persuadés tous les deux qu'elle vivait. Ragdal s'est évadé grâce à moi, il y a 10 ans. À partir de là, les événements lui échappent. Je crois surtout que tu veux éliminer Ragdal. Tu vises à te réserver le gâteau pour toi tout seul. Et quand cela serait ? Monsieur le comte de Charmeuse, malgré votre couronne comtale, en provenance du fin fond des siècles, il vous a toujours manqué un petit rien, essentiel, comme vous dites si bien. La loyauté, le respect de la parole donnée. Vous vous estimez au-dessus de tout et de tous. Vous ne m'avez jamais obligé à devenir putain, Exa. Mais vous avez contracté vis-à-vis de moi et aussi vis-à-vis de votre femme une dette morale. Vous lui reprochez de porter votre nom. Vous vous trompez. Ce n'est pas son père qui vous l'a vendu. C'est vous qui vous êtes vendu. Vous et votre beau nom à charnière. Seulement votre nom a-t-il encore une valeur quelconque ? Vous ne souffrez pas quand vous jetonnez votre ignominie, hein? Nini Casque d'Or, Bibi Chopin, Éloi Constant vous pèsent, mon bon monsieur. Eux, ils sont nés dans la fange. Vous, vous vous y êtes plongés, sans dégoût, sans honte et sans révolte. Monsieur le comte, vous êtes tombé au-dessous de Nini battant son quart avenue du Maine. Aucun homme ne m'a jamais frappé. Vous êtes le premier marlou, mais vous serez aussi le dernier. Nini. Ah non, non. Pardonne-moi, je t'installerai comme Suzanne d'amour. Je ne te quitterai pas. Un coup pour moi. Oh. Et un pour Valentine. Et un pour Rosémé. Oh. Un pour la fille de Julie. Monsieur le comte, il faut toujours payer ses dettes. C'était Les Bas-fonds de Paris, par Jean-Jacques Stein, d'après le roman d'Aristide Bruand. Aujourd'hui, 24e épisode, avec Jean-Roger Caussimon dans le rôle de Bruand, et Manuel de Cset, Tommy, Francine Bouffard, Rosémée, Pierre Constant, Jean Robin, Rosine Favet, Roculot, Martine Régnier, Sucre d'Orge, Roger Mollien, Roger de Charmeuse, Nicole Vassel, Nini Casque d'Or, Monique Thierry, Adrienne, René Renaud, le journaliste. La rue Saint-Vincent, par Francine Bouffard. Au piano, Roger Pouly et Jean Boudon au banjo. Aux claquettes, Vera Feder. Bruitage, Patrick Martinache. Collaboration technique, Maurice Biard. Prise de son, Madeleine Sola. Assistante Annie Delers. Réalisation Claude Roland Manuel. Cet épisode, le 24e, a été diffusé pour la première fois sur France Culture le 1er octobre 1981. Le 25e et dernier allait l'être le lendemain, 2 octobre. Ce 25e épisode, le voici. Sous sa toque de martre, sur la butte Montmartre, un petit air innocent. On l'appelait Rose, elle était belle, elle sentait bon la fleur nouvelle. Rue Saint-Vincent. Les Bas-fonds de Paris, par Jean-Jacques Stein. D'après le roman d'Aristide Bruand. Aujourd'hui, 25e et dernier épisode. Avec Jean-Roger Caussimon dans le rôle de Bruand. Et Francine Bouffard, Manuel de Cset, Dominique Paturel, Pierre Constant, Daniel Collat, Nicole Vassel, Claude Nicot, Pierre Delbon, Monique Thierry, René Renaud. Réalisation Claude Roland Manuel. barrage. C'est en dévalisant la case d'une gerce, une gironde à Rupin, qu'on m'a fait avec Nibdonase un montre en l'air d'un mes copains. Faut y passer, croiser notre rente. Aussi bon Dieu, je me plaindrais pas si j'avais de quoi me boucher la fente. À Mazas, à Mazas. Embrassons-nous, ma gigolette. Adieu, sois sage et travaille bien. Tâche de gagner un peu de galette pour l'envoyer à ton pauvre chien. Nous retournons sur le bord de la Seine, à me donc cueillir du lilas, après que j'aurai fini ma peine. À Mazas, à Mazas. Cher Bruant, que l'heure des règlements de compte arrivait. Bien, Nini, en exécutant l'abominable conte de Charmeuse, n'avait été en somme que l'instrument de la vengeance. Mais que deviennent Ragdal et surtout Rosémée et Tommy ? Si vous le voulez bien, monsieur de l'Excelsior, revenons quelques jours en arrière. Exactement le lendemain du soir où Jean Robin surprit le secret de Roculot et de Sucre d'Orge et du départ de Rosémée et de Tommy. Jean Robin se rendit au rendez-vous de Ragdal au café de l'Armonte. Monsieur Jean Robin, vous êtes le bienvenu. Ah, avant de commencer, je voudrais réparer un oubli de ma part. Il était superflu d'alerter la police. À part les casseroles, elle n'a jamais osé s'aventurer dans le fief de Ragdal. Vous vous donnez beaucoup d'importance, monsieur Ragdal. On vient chez vous les mains dans les poches et même sans armes. À ce propos, vos amis sont bien négligents, ils auraient dû s'en assurer. Ouais. Permettez-moi donc de vous présenter mes témoins. Julie, ex-femme de chambre de Madame de Charmeuse. Madame Aubigné, sage-femme, qui a accouché le même soir Madame la Comtesse et cette pauvre Valentine Clément, hélas disparue, victime du comte de Charmeuse. Eugénie, dite Nini Casque d'Or, dont la pâleur s'explique par l'épreuve d'un deuil récent. Madame Suzanne Damour, vivant de vos largesses, en tout bien, tout honneur, m'a-t-elle précisé, a refusé de se joindre à nous par déférence envers vous. Il n'en est pas de même de Monsieur Chabanet qui essaie vainement de cacher son vilain museau. Vous espériez gagner 30 deniers? C'est masquin, en regard des 800 000 francs que Ragdal vous a soustraits. Passons. Voici encore monsieur Anatole Chenu de la préfecture, qui conduisit naguère une enquête sur cette substitution d'enfants. Et les enfants de madame Joséphine Chopin, l'admirable veuve dont j'ai eu l'honneur de vous entretenir, Thérèse, Charlotte et Mélanie, et l'aîné, Charles, dit Bibi. Tout le monde répondra sans détour à toutes vos questions. Où est Roculot ? Hein, il est en retard, comme toujours. Attendons-le. Non, nous pouvons commencer par le témoin capital, ça le fera venir. L'aîné des enfants Chopin, dont les souvenirs demeurent les plus vivaces. Il avait, 12 ans à l'époque. Le soir où M. Ragdal est venu chez nous à Belleville, dans le réveillon de Nouvel An, il est gravé là, comme un tatouage dans ma cervelle. Il nous a remis l'enfant, une fille. Le père Chopin, il adorait les mômes. Il était tellement heureux de cette nouvelle arrivante qu'il a voulu fêter l'événement. C'était le réveillon, c'est pas ? Et il s'est laissé aller, une fois et pas coutume. Mesdames, un peu pompette, le v'là qui braille des champs comme une art. Ça a pas plu, hein. On s'est retrouvés tous au dépôt. Mais le père, il a été seulement matraqué, pour l'exemple. En ce bas monde, faut jamais s'attaquer à la haute. Pas touche au privilège. Et le père, il est mort des suites de son emprisonnement. Vous pouvez vérifier, hein, à Mazas, sur le livre d'écrou. Janvier 1887, Jean-Baptiste Chopin. Et les jours suivants, les voisins ont vu la môme. Monsieur Ragdal payait pension pour elle. Et moi, j'ai quitté la maison à 16 berges pour turbiner lorsque Rosémée en avait un peu plus de 4. Vous ne l'avez jamais revue? Juste, mais de 4 à 10 berges, une fille change pas tellement. Et je l'ai formellement reconnue. Ne posséderiez-vous point une preuve plus tangible que l'enfant remis par Monsieur Ragdal à vos parents était bien Rosémée? Dame, on l'appelait comme ça. Demandez aux filles. J'entends bien. Mais Madame Chopin aurait pu la baptiser ainsi. Oh non, non, c'est Monsieur Ragdal qui a dit à la mère qu'elle s'appelait Rosémée. Je peux même vous dire qu'elle portait drôlement du beau linge, hein, tout en dentelle. Et croyez-moi, à Belleville, ça frappe, ça. Les voisins en bavaient. Parfait. Inutile que j'interroge toutes ces personnes, car aucune d'elles, me semble-t-il, ne pourrait répondre à cette question primordiale. Qui a vu le comte de Charmeuse remettre ma fille à Monsieur Ragdal? Madame Suzanne Damour admet avoir mis en relation le comte et Ragdal, mais sans en connaître l'objet. Moi, je peux répondre. Ah. Vous êtes bien jeune, mademoiselle. J'étais l'amie du comte de Charmeuse. Il n'y a pas si longtemps, un soir où il avait abusé de l'absinthe, et je suppose poussé par le besoin de partager un secret trop lourd, il m'a raconté cette substitution d'enfant, et qu'il avait remis Rosémée à Ragdal. Oui. Bien. Convaincu, monsieur Robin? À vous entendre, Bibi, ouais. Il manque cependant un témoin. Pourquoi est-il absent? Il manque personne. Vous mentez? Il manque le dernier né de madame Chopin. Oh, il est très jeune, il n'a jamais que 2 ans de plus que Rosémée. Il doit être à jouer avec une bande de galopins. Son témoignage n'ajoutera rien à celui de Bibi. Non, monsieur Ragdal. Roculo ne joue pas plus au billes qu'il ne joue en ce moment avec sucre d'orge. Monsieur Patrice Guéry, entrez, s'il vous plaît. Avec les 2 derniers témoins. Les miens. Vous les reconnaissez? Sucre d'orge et Roculo. Non, pas un geste, je ne vous le conseille pas ni les uns ni les autres. Sifflez, monsieur Ragdal. Une longue de brève, une longue de brève. Allez, sifflez. Non? Je le ferai pour vous. Et personne ne se dérange. L'amitié au café de la Remonte a des limites. Il s'agit de payer plus cher, voilà tout. À ce petit jeu, vous ne faites pas le poids. Sale petit con. Il a fallu que t'ailles la relancer, ta sucre d'orge. Je t'avais bien ordonné de te tenir à carreau. Monsieur Ragdal, on ne mêle pas des enfants, même pervertis par la misère, à des saletés de ce genre. Pour votre gouverne, sachez que je les prends désormais sous ma protection. Monsieur Chabanet, si vous n'aviez pas fait l'imbécile, je vous aurais remboursé vos 800 000 francs. Oh, ça change pas. Guignard je suis, guignard je reste. Eh ben là, tu nous l'as foutu à tous, la guigne. Votre châtiment sera de vous expliquer avec Marie Chabanet. Quant à vous, monsieur Ragdal, rapt, complicité, faux témoignage, j'oubliais, escroquerie. Vous m'avez soutiré un chèque il y a 3 jours au titre d'avance. Escroquerie tout de même. Voulez-vous que nous nous expliquions à point nu, monsieur Ragdal? Je me ferai un plaisir particulier de vous flanquer la plus belle rossée que vous ayez reçue de votre existence. Hey, je vous remercie. Je suis pas amateur de boxe. Faut être beau joueur. D'accord. Sucre d'orge n'est pas Rosémée. Mais je peux vous aider. Toujours à votre service, monsieur Jean Robin. Je sais où est Rosémée. Ah oui? Elle est déjà chez vous. La petite chiffonnière que vous avez adoptée. Hélas, non, monsieur Ragdal. La petite chiffonnière n'est plus chez moi. Elle a fui. Heureusement, en compagnie de Tommy, afin d'échapper aux méchancetés de sucre d'orge, qui jouait trop bien son rôle d'héritière. Alors là, monsieur Jean, pour une fois que je peux vous rendre service, soyez tranquille. On la retrouvera facile. Tommy vient toujours ici me chercher de nouvelles chansons. À condition qu'il soit à Paris. Je me fais fort de le savoir en quelques heures. Noir, 2 mètres, un gibus, un habit rouge et un banjo, difficile de passer inaperçu. J'en accepte l'augure. Monsieur Ragdal, Vous pouvez conserver le montant du chèque. Je ne reprends jamais ce que j'ai donné. Et je suppose que vous avez promis un dédommagement à toutes ces personnes qui se sont dérangées. Donc je vous en prie, dispensez-moi de vos remerciements. Je suis ce que je suis, je n'accepte pas l'aumône. J'échange le montant de votre chèque contre ce renseignement que je vous livre. Madame de Charmeuse est veuve. Veuve ? Hélas. Monsieur le comte a été victime d'un accident, et comme il s'en produit très souvent, il a malencontreusement glissé sur un surin. Ah. Oui. Eh oui, ce sont des choses qui arrivent quand on ne sait pas tenir son rang à Montmartre. Malgré que je sois un roturier, le dernier des fils d'un poirier, la rue Berthe, depuis les temps les plus anciens, nous habitons, moi et les miens, à Montmartre. L'an 1870, mon papa cadorait le 3-6, et la Berthe est mort à 47 ans, ce qui fait qu'il repose depuis longtemps à Montmartre. Deux ou trois ans après, je fis ce qui peut s'appeler pour un bon fille une rue de perte. Un soir sur le boulevard Rochechouart, ma pauvre maman se laissait choir à Montmartre. Je ne fus pas très heureux depuis, j'ai bien souvent passé mes nuits sans couverte. Et bien souvent, quand j'avais faim, j'ai pas toujours mangé du pain à Montmartre. Mais c'était chouette en ce temps-là, on ne sacrifierait pas sur la butte déserte. Et je faisais la cour à Nini, Nini qui voulut faire son nid à Montmartre. Un soir d'automne, à ce qui paraît, pendant que la vieille butte retirait sa robe verte, nous nous épousions dans les foins, sans mère, sans noces et sans témoins à Montmartre. Depuis, nous avons des marmots, des petites jumelles, des petits jumeaux qui feront certe, des petits poiriers qui grandiront, qui produiront et qui mourront à Montmartre. Malgré que je sois un roturier, le dernier des fils d'un poirier, de la rue Berthe. Depuis les temps les plus anciens, nous habitons, moi et les miens, à Montmartre. Voilà, ma frisette, le village de Montmartre, la place du Tertre, là, plus loin, le Sacré-Cœur, et on voit tout Paris. C'est si grand que ça, Paris ? Oh oui. Ici, les gens sont gentils. Ils ne te posent jamais de questions et ils te laissent faire tout ce que tu veux. Il pleut, bergère, presse tes blancs moutons. Allons sous ma chaumière, bergère, vite, allons. J'entends sur le feuillage l'eau qui tombe à grand bruit. Voici, voici l'orage, voilà l'éclair qui luit. S'il vous plaît, messieurs, dames, en votre bon cœur. Mon petit chien Billy. Oh, attention Billy. Voilà un fiacre. Papa Jean. Rosémée, voilà le jaunet que Roculot avait volé. Oh, Papa Jean. Tommy. Monsieur Jean. Frisette, je te l'avais bien dit qu'il nous retrouverait, Monsieur Jean. Pourquoi voilà. Es-tu partie, ma fille, puisque tu es Rosémée, ma fille. Oh, ma petite fille chérie que nous avons tant pleuré. Tu n'as plus rien à craindre de personne, ni de Roculot, ni de sucre d'orge. Papa. Allez, viens, viens, maman Adrienne t'attend, viens. Et tonton et Billy aussi. Mais oui. Tous les trois vont te toujours. Pour toujours. Youhou! Youhou! Ah là là! Oh, ah, Tommy rit! Tommy est content! Oulala, oh là là, Tommy est joyeux! Tommy dansera à la bamboula tous les jours! Frisette le soleil se met de la partie! Il est content de vous voir heureux! Et Tommy aussi! Je monte à côté du cocher. Fais-moi une place, Sylvain. J'annoncerai à tout le monde que le bonheur est revenu pour Madame Adrienne et Monsieur Jean. Oui. I'm so glad, being on the gravel roads again. I'm so glad, I'm so glad, I'm so glad, being on the road. I'm so glad, I'm so glad I've been on the brave and rose again. I'm so glad, I'm so glad, I'm so glad I've been on the brave and rose again. Nous allons organiser pour célébrer ton arrivée. Nous avons des années à rattraper, mon amour. Quel dommage que mon bon papa Garen ne soit pas là pour me voir aussi heureuse. Oh, pardon de l'appeler encore papa. Tu peux lui garder ce titre, il l'a bien mérité. Ah, nous sommes chez nous. Nous sommes chez nous, tu entends, Pili, Pili. Allez, Polichinelle, allez, sors ton baluchon, allez hop. Voilà. Oh, je sais, maman, il n'est pas bien beau, mais on s'est tellement aimés tous les deux. Attends, maman, je vais lui mettre son collier de perles et puis son bavard de dentelle, voilà. Oui, il paraît qu'il est à moi depuis que je suis petite, mais je l'ai donné à Polichinelle. Le bavoir. Le bavoir que je moi-même brodais. La preuve, enfin. À toute petite, ma rose-aimée, sais-tu ce qui est brodé dessus? Non, je sais pas lire. Dis, maman, tu m'apprendras. Papa Garam l'a dit. Rose-aimée. Il disait que c'était peut-être mon vrai nom. Il se trompait pas. C'est pour ça qu'il est venu mourir près d'ici. Il me ramenait chez vous. Oui. Il me disait... qui me ramenait dans une grande maison, au milieu d'un grand jardin, tout plein de fleurs, comme dans mon rêve. Au jardin de mon père, les lilas sont fleuris. Au jardin de mon père, les lilas sont fleuris. Tous les oiseaux du monde. Et voilà, monsieur de l'Excelsior, l'histoire véridique de Rose Aimée. De temps à autre, je reçois de ses nouvelles. Elle vit en Amérique. Jean Robin et Adrienne se sont mariés. Ils ont voulu que leur fille, Rose Aimée, reprenne vie dans un cadre nouveau, afin d'effacer des visages et un décor qui lui rappellerait les heures sombres de sa malheureuse enfance. Son histoire n'est pas entièrement celle de vos bas-fonds. Oh, grand Dieu, non. L'ouvrage comporte 5 volumes. Presque 2500 pages en tout, une sorte de grand reportage. Et nous avons évité bien des sujets, bien des personnages pittoresques, tel Honoré Constant, député de la Seine, et qui, d'abord conseiller municipal, dépanna notre Nini Casque d'Or dans sa jeunesse, avant sa déplorable rencontre avec le comte de Charmeuse. Honoré Constant, dont je publie dans mon journal La Lanterne, non pas les soliloques, mais les sous-loques. Donnez-nous-en un échantillon. Ben, volontiers. Tas de cochons et de poivreaux. Maxime, attention à départ. Oh, dis-le, toi, c'est à toi, c'est depuis celle-là. Oh, ben, mon cochon, ne s'emmerde pas dans ta famille. Monsieur s'envoie ton père de fesses. Probablement pour être plus sûr d'être cocu. Bonne nuit, mesdames. Rendez-le heureux. Heureusement que chez Bruyant, on ne sert pas d'alcool. Mais je vais tout de même vous faire part de l'état d'âme de ce sous-lot d'Honoré Constant. Voilà, il est 2h du mat et Honoré a dîné avec un collègue. Il est un peu éméché et rentre chez lui en monologuant, selon son habitude. Pour sûr que la France est ma boule. La chambre aussi, c'est évident. L'autre jour, elle a perdu la boule à l'élection du président. Et l'on s'emballe et l'on s'en bouche les coins. Hulot, hé, socialo, va l'en dire à ta mère quatre mouches. Panamiste, pas civilo. Non, faut qu'ils en aillent du chien dans le ventre, du culot, de l'estomac, de l'atout, les ceux de la droite, et ceux du centre, et ceux de la gauche, et ceux de partout. Eh, je te crie, je te hurle, je te gueule. Goujat, vendu, voyou, truand. Oh, cette chambre, oh là là, cette gueule. C'est pire que la boîte à Bruant. C'est vrai qu'il est temps qu'on s'explique et qu'on dise ces quatre vérités à la sainte fripouille, à la clique, à tous ces anciens députés. Pourtant, moi, je suis parlementaire. Vive le président Béchamel, à bas le ministère. Bien. Je m'altère. Je boirais ben un verre de cumel avec de l'eau. Faut qu'on en finisse. Le ministère, on va te le vider. Moi, je veux l'interpeller, le ministre. 26 jours. Et je veux lui demander s'il se fout de la République française. Ouais. Une, deux. Je m'en vais en attendant. Boire un coup au 96 à la santé du président. Je ne puis m'arracher si facilement, Monsieur Bruant, à vos personnages des bas-fonds de Paris. À propos de Rosémée, je pense comme vous, elle aurait pu devenir la rose de la rue Saint-Vincent, si elle n'avait, pour notre bonheur à tous, retrouvé ses parents. Elle avait sous sa toque de martre, sur la butte Montmartre, un petit air innocent. On l'appelait Rose. Elle était belle, elle sentait bon la fleur nouvelle, rue Saint-Vincent. Elle n'avait pas connu son père, elle n'avait plus de mère, et depuis 1900, elle demeurait chez sa vieille aïeule, qu'elle s'élevait comme ça, toute seule, rue Saint-Vincent. Travailler déjà pour vivre, et les soirs de givre sous le froid noir et glaçant, son petit fichu sur les épaules, à rentrer par la rue des Saules, rue Saint-Vincent. À voyer dans les nuits de gelée, la nappe étoilée, et la lune en croissant qui brillait, blanche et fatidique, sur la petite croix de la basilique. Rue Saint-Vincent. L'été, par les chauds crépuscules, a rencontré Jules qui était si caressant, car restait la soirée entière avec lui près du vieux cimetière. Rue Saint-Vincent. Mais le petit Jules était de la tierce qui soutient la gerce. Aussi l'adolescent, voyant qu'elle ne marchait pas au pantre, d'un coup de surin lui troua le ventre, rue Saint-Vincent. Quand ils l'ont couchée sous la planche, elle était toute blanche, même qu'en l'ensevelissant, Les croque-morts disaient que la pauvre gosse était claquée le jour de sa noce. Rue Saint-Vincent. Elle avait sous sa toque de martre, sur la butte Montmartre, un petit air innocent. On l'appelait Rose, elle était belle, elle sentait bon la fleur nouvelle. Rue Saint-Vincent. C'était Les Bas-fonds de Paris, par Jean-Jacques Steen, d'après le roman d'Aristide Bruand. Aujourd'hui, 25e et dernier épisode, avec Jean-Roger Caussimon dans le rôle de Bruand et Francine Bouffard, Rose-Aimée, Manuel de Cset, Tommy, Dominique Paturel, Ragdal, Pierre Constant, Jean Robin, Daniel Collat, Bibi Chopin, Nicole Vassel, Nini Casque d'Or, Claude Nico, Monsieur Chabanet, Pierre Delbon, Patrice, Monique Thierry, Adrienne, René Renaud, le journaliste. La rue Saint-Vincent, par Francine Bouffard. Au piano, Roger Pouli et Michel Gésina au banjo. Bruitage, Patrick Martinache. Collaboration technique, Maurice Biard. Prise de son, Madeleine Sola. Assistante, Annie Delers. Réalisation, Claude Roland-Manuel. Ces deux derniers épisodes, les 24e et 25e, ont été diffusés pour la première fois sur France Culture les 1er et 2 octobre 1981. Vous pourrez les réécouter en ligne ou les télécharger sur le site France Culture à la rubrique des Nuits de France Culture, ainsi que tous les précédents épisodes de la série.